Activité 10. Clément, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui ? Eh bien, c'est pratique, c'est écologique. Regardez ce sac, Julien. Oui, c'est un simple sac à dos. Erreur, Julien, erreur ! Et là, je m'adresse tout particulièrement aux randonneurs. Ce sac est tout simplement extraordinaire. Pourquoi ? Regardez sur le devant. Il y a un panneau solaire qui sert à recharger tous vos appareils électroniques. Et son prix ? 139,90 €. Ah, pas si cher. Oui, et tellement utile. Et un dernier mot pour finir. C'est un article que vous pouvez commander sur Internet, sur le site www.consoglobe.com. Merci Clément. À demain. À demain, Julien.